pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthénamut, on vous simplifie la santé. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde. Quand on a un homme de lettres autour de la table, autant vous faire partager les bons mots. Donc, à propos des blagues sexuelles. Ah non, écoutez, alors vous me prenez au déboté. Nous étions en train de discuter d'autre chose et donc vous me disiez à propos des blagues sexuelles. D'abord, si. Ceux qui restent. Ah non, excusez-moi, mais ceux qui se disent dans le vestiaire restent dans le vestiaire. Je vous ai demandé de raconter la blague en question. Je vous ai demandé la citation. David Jean, en mode vous étiez là. Qu'est-ce qu'il a dit à propos des blagues? C'était une citation. Non, mais il va le dire. Non, mais c'est-à-dire que d'abord, il n'aura pas le temps de le dire parce que je pense. Que le genre de Christophe Grand. On attendra. En plus, c'était pas cochon ce que vous avez dit, c'était un trait d'esprit. Je disais que les blagues sexuelles faisaient rire tout le monde et ne faisaient de mal à personne. Voilà. Oh, vous êtes gêné, vous. Je vais gêné. Ah, il fait sa prude, Christophe Grandjean. Dites-lui, il fait sa prude. Et moi qui n'étais pas dans le vestiaire. Oh, vous avez pas une citation sur le vestiaire? Ah, ben ça, David Jean Modiville. Ah oui, moi je vis dans les vestiaires. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Allez, regarde-tu là comme il est bien fait. Ah oh, oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Denis, si vous pouviez accoucher de la météo plus vite que l'homme de lettres n'accouche de ses fulgurances, ça nous arrangerait. Eh bien écoutez, allez hop, je vous livre ça de facto avec du soleil attendu sur la bonne moitié centre et nord du pays. Quelques nuages, mais pas bien méchants sur le sud. Un temps assez lumineux, mais aussi assez frais avec ce vent de secteur est qui est piquant et désagréable. On attend 8 à 13 degrés pour aujourd'hui, ça va un petit peu se couvrir en soirée. La nuit prochaine et demain matin, quelques petites pluies, puis on revient à un temps sec. Encore de la pluie dans la nuit de vendredi à samedi, un petit peu plus conséquente, et puis retour d'un temps sec et doux pour le week-end. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, Charles Michel attendu à la Chambre cet après-midi. Ce n'est pas encore la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais Charles Michel viendra déjà donner quelques infos sur le budget fédéral que son gouvernement peine à boucler. 57 morts dans des incendies depuis le début de l'année en Belgique. L'usage plus régulier de détecteurs de fumée aurait sans doute permis d'éviter certains décès. La majorité des décès dans les incendies se passent la nuit. Donc là, la nuit, vous dormez. Vous ne sentez pas les fumées, vous n'entendez pas l'incendie, tandis que ces détecteurs vous réveilleront suffisamment tôt pour que vous puissiez au moins évacuer. Les détecteurs de fumée sont obligatoires en Wallonie, mais la législation est difficile à faire respecter. Il n'y a pas que la qualité des repas qui compte dans les cantines scolaires. Il y a aussi l'environnement trop bruyant et trop exigu, selon une étude réalisée à Bruxelles. François Hollande sort un livre et tout le monde en prend pour son grade. Les magistrats, les joueurs de foot, son ex-compagne Valérie Trierweiler et bien sûr Nicolas Sarkozy. Les insus en concert à Forêt Nationale ce soir. Les anciens de téléphone font sale comble depuis qu'ils se sont reformés. Du coup, certains fans doivent se contenter de communiquer avec leurs idoles sur les réseaux sociaux. Charles Michel sera donc sous le feu de l'opposition tout à l'heure à la Chambre. Le Premier ministre viendra s'expliquer sur le report de sa déclaration de politique générale qui devait normalement avoir lieu mardi mais qui a été donc reportée. Et Charles Michel, on l'imagine, va être bombardé de questions, Lionel de Neubourg. Pas une, pas deux, pas trois questions, mais bien 8 questions, 8 interpellations des partis de l'opposition. Et à chaque fois... un seul sujet, vous l'avez dit, le report de cette fameuse déclaration gouvernementale qui devait avoir lieu mardi. Vu le blocage des discussions budgétaires, elle a donc été reportée et le temps presse puisque ce fameux budget, il est censé être remis après-demain à la Commission européenne. Alors forcément, l'opposition, elle trépigne, attend de pied ferme, Charles Michel. On vous le garantit, les oreilles du Premier ministre vont siffler tout à l'heure, à moins que d'ici là, il y a peu de chance, il trouve un accord sur le budget. Début des hostilités au Parlement, ce sera à 14h15. La politique encore et les débats sur le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, l'équivalent du TTIP avec les États-Unis. Avant de marquer son accord, la Belgique doit avoir l'aval de tous les parlements et c'est là que ça coince. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis son veto au CETA hier soir. Le Parlement wallon, lui, avait déjà dit non auparavant. Pour le président du Parlement wallon, André-Antoine, le CETA donne trop de liberté aux entreprises privées et trop peu aux États. Auparavant, le gouvernement propose, les parlements disposent, oui. Et aujourd'hui, les multinationales s'interposent. C'est elles qui vont dire, mais votre nouvelle norme, votre nouvelle réglementation, elle heurte mes intérêts, ouais. Et dès lors, je vous demande d'indemniser mon préjudice. Et agissant ouais. ainsi, ils vont faire pression sur les normes que nous prenions. Vous voulez un exemple pour nos agriculteurs? On va importer des milliers de tonnes de bœuf, de porc, alors même que nous sommes en surproduction, alors même que les normes ne sont pas les mêmes au Canada qu'en Union européenne. Et si je prends la seule question des appellations d'origine contrôlées. Il y en a 1500 en Europe. Il y en a beaucoup qui sont reconnus. C'est d'ailleurs ce que dit 145. La Commission. Par exemple, le Roquefort va pouvoir être mieux 145. Protégé au Canada. C'est un exemple qu'il donne. Oui, et oui. Pour la Wallonie, pas une seule reconnue. André-Antoine interrogé par Bertrand Haine, l'ambassadeur du Canada rencontrera les parlementaires wallons aujourd'hui pour tenter de les faire changer d'avis. On ne saura sans doute jamais exactement ce que manigançait ce Syrien qui projetait un attentat contre un aéroport de Berlin. L'homme arrêté en début de semaine grâce à l'intervention de réfugiés syriens s'est suicidé en prison. On l'a appris cette nuit. Une polémique a immédiatement éclaté en Allemagne sur la surveillance des terroristes dans les prisons. Et à propos des risques terroristes, ouverture aujourd'hui à Malines du procès de Montasser Al-Demeh, l'homme d'origine palestinienne, se présentait comme chercheur et expert en matière de radicalisme islamique. Il avait créé un centre dont il était le seul intervenant. La justice le soupçonne d'avoir franchi une ligne rouge, Patrick Michal. Lundi 11 janvier 2016, Montasser Al-Demeh est interpellé à son domicile de Molenbeek. Son nom est apparu dans un dossier d'un suspect accusé de participation aux activités d'un groupe terroriste. Détenu à la prison d'Anvers, l'homme en question voulait partir en Syrie et il tente alors de sortir de prison en produisant devant la chambre du conseil d'Anvers une attestation. Elle est signée par l'expert Montasser Al-Demeh. L'homme aurait suivi un cycle destiné à le déradicaliser. Mais l'enquête va démontrer qu'il s'agit d'une attestation de complaisance. Pour la justice, il s'agit d'un faux, raison de l'inculpation de Montasser. L'expert a reconnu rapidement qu'il avait été trop loin et depuis son inculpation, l'homme connu surtout dans le nord du pays a mis un terme à ses activités. Il estime toujours qu'il faut agir pour prévenir les départs en Syrie, mais dit-il, c'est une prérogative qui appartient aux autorités publiques. C'est un bilan provisoire, mais il interpelle. Le SPF intérieur a déjà recensé 57 décès dans des incendies en Belgique depuis le début de l'année. Oui, c'est plus que les années précédentes et c'est d'autant plus interpellant que la Wallonie s'est dotée, il y a plus de 10 ans, d'une législation drastique en matière de prévention incendie. Les spécialistes en prévention se grattent la tête, donc pour comprendre ce phénomène, ils n'ont pas encore vraiment d'explication, Thierry Van Gulik. Ce qui interpelle dans ces chiffres, c'est leur répartition. 33 en Flandre, un seul à Bruxelles et 23 morts en Wallonie. La Wallonie qui impose pourtant depuis 2004 des détecteurs de fumée dans toutes les habitations. Problème, les pompiers n'ont pas encore le pouvoir d'en contrôler la présence et l'efficacité. Major Marc Huet de la zone de secours et nos centres. Il y a toute une partie du logement, notamment les maisons unifamiliales, dans lesquelles les services d'incendie n'ont pas l'obligation de visiter et donc les gens là, se sont laissés eux-mêmes pour décider oui ou non, je place un détecteur de fumée ou pas. C'est clair que si on devait contrôler les maisons unifamiliales, on ne saurait jamais assez, je pense. Et pourtant, ces détecteurs sauvent réellement des vies. Michel Méhan, porte-parole du service de secours de la zone Hainaut-Est. La majorité des décès dans les incendies se passent la nuit. Et donc là, la nuit, vous dormez, vous ne sentez pas les fumées, vous n'entendez pas l'incendie, tandis que ces détecteurs vous réveilleront suffisamment tôt pour que vous puissiez au moins évacuer. Les nouvelles normes incendies dans la construction ne sont en vigueur que depuis 1997. Or, la plus grande partie du bâti wallon date de bien avant. Il faudra donc encore longtemps avant de voir diminuer sérieusement le nombre de morts dans les incendies en Wallonie. Une nouvelle étude maintenant sur la qualité des cantines scolaires. On parle souvent de la qualité des repas, trop peu équilibrée, trop peu variée. Ici, dans cette enquête menée dans les écoles de la région bruxelloise, il n'est pas question du contenu de l'assiette, mais de l'environnement dans lequel les élèves prennent leur repas. Et on peut dire que cet environnement n'aide pas vraiment à la digestion, Véronique Fievé. Eh bien non, en effet, il y a trop d'enfants dans des réfectoires trop étroits, trop exigus, trop bruyants. De plus, les surveillants ne sont pas assez nombreux et les élèves sont obligés de manger trop vite. Et tout cela, eh bien, cela induit de l'agitation, du stress, des bagarres parfois. Alors, deux chiffres pour bien comprendre la situation. La majorité des écoles ne disposent que d'un mètre carré et demi par enfant pendant le repas. Et puis, un surveillant s'occupe en moyenne de 40 enfants et cela peut monter jusqu'à 75 enfants par surveillant dans certaines écoles. Bref, le temps de midi est un moment pénible pour de très nombreux élèves du primaire et du maternel. Et ce sont les directeurs d'école eux-mêmes qui le disent. 129 d'entre eux ont répondu à une vaste enquête. Elle a été réalisée par l'Observatoire de l'enfant qui dépend de la Commission communautaire française. Les auteurs de l'étude voudraient à présent que le temps de midi fasse l'objet de plus d'attention et qu'il ne soit pas oublié lors de la révision des rythmes scolaires. Et quand on digère mal, on est ballonné, comme le disait Pierre Palmade. Merci Véronique Fievé. On parle beaucoup de l'élection présidentielle aux États-Unis le mois prochain, mais il y en a une aussi qui se profile en France. Oui, c'est pour le mois de mai, l'élection présidentielle en France. Et ce soir, la campagne connaîtra un premier moment fort avec le premier débat des candidats à l'élection primaire de droite et du centre, avec une femme, Nathalie Kosciusko-Morizet, et six hommes, dont l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le favori dans les sondages, pour le moment, c'est Alain Juppé. Et pendant ce temps, l'actuel président de la France, François Hollande, sort un livre, le titre « Un président ne devrait pas dire ça, les secrets d'un quinquennat », un livre de confession dans lequel François Hollande ne mâche pas ses mots, Ariane Grissel. 663 pages, j'ai comme l'impression que François Hollande a dit tout ce qui lui passait par la tête. Principale cible, son prédécesseur Nicolas Sarkozy, grossier, méchant, cynique, selon le président français. Il y a les femmes aussi, Valérie Trier-Weller, son ex-compagne, qui aurait pourri 2 ans de réflexion de François Hollande, d'après un proche. Dans ce livre, on retrouve également les commentaires du chef d'État sur les Verts, des cyniques et des emmerdeurs, les juges, une institution de lâcheté, ou les footballeurs à qui François Hollande donnerait bien des cours de musculation du cerveau. Les réactions n'ont évidemment pas traîné. L'Union syndicale des magistrats demande au chef de l'État de retirer ses propos. L'Union des footballeurs professionnels taxe le président français de populisme. Quant à une candidature pour un nouveau mandat, oui, si personne d'autre à gauche ne peut faire mieux, toujours rien de concret donc. J'aimerais que l'on dise de moi, puisque c'est la vérité, que j'ai été courageux, confie François Hollande. Avec ce livre, difficile de dire s'il s'agit de courage ou d'un suicide politique. Ariane Grissel, notre correspondante à Paris. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la campagne présidentielle continue sous la ceinture. Deux femmes accusent Donald Trump d'attouchement sexuel il y a plusieurs années. 8h10, c'est le 8-9 Sport avec du tennis, du basket et du cyclisme ce matin. En tennis, David Goffin va tenter de se qualifier tout à l'heure pour les quarts de finale du tournoi de Shanghai. Le Belge s'attaquera au Français Gaël Monfils, 8e joueur mondial, Goffin est 12e. Il s'agira du 3e match entre Monfils et Goffin, et Monfils avait gagné les deux premiers. En basket, Ostende et Charleroi ont dû attendre la 3e journée pour décrocher une première victoire cette saison. Ostende a battu le Brussels hier soir 89-72. Et les Spirou se sont imposés de justesse 80-82 à Limbourg United. Première victoire aussi de la saison pour Willebroek face à Monsenau qui concède sa 2e défaite de suite. Liège a perdu à Alost. Le classement est dominé par Anvers qui compte 6 points. En cyclisme, le Slovaque Peter Sagan s'alignera bel et bien dimanche. Il défendra son titre lors de la course en ligne des championnats du monde à Doha au Qatar. Fin septembre, après sa victoire sur la 3e étape de l'Eneco Tour, Peter Sagan avait semé le doute quant à sa participation aux Mondiaux. Et puis la musique, les Insus seront ce soir à Forêt Nationale à Bruxelles. Un événement pour les fans de Téléphone, puisque les Insus, c'est le retour sur scène de ce groupe mythique français qui s'était formé il y a 40 ans. Les Insus, c'est Téléphone sans Corinne, la bassiste qui est en froid avec certains autres membres du groupe. Pas besoin de publicité pour remplir les concerts des Insus, puisque depuis le début de la tournée en 2015, c'est salle comble ou presque. Mais malgré cela, Jean-Louis Aubert et ses petits camarades entretiennent des relations avec leurs fans sur les réseaux sociaux, Marie Mikils. Pour bon nombre d'artistes aujourd'hui, et les ex-stars de téléphone en font partie, Facebook est un outil bien pratique. Exemple, hier en journée, Louis Bertignac, le guitariste des Insus, s'est filmé en direct sur Facebook en train de se promener dans les rues de la capitale. Bonjour! Eh bien, je suis en balade dans Bruxelles en attendant le concert de demain. Et ouais, j'ai une journée sans rien foutre. Le chanteur des Insus, Jean-Louis Aubert, est lui un habitué de cette technique du Facebook Live. Régulièrement, et chez lui, ses fans sont des milliers à le suivre en direct, chanter une chanson la guitare à la main. Les amis Facebook de Jean-Louis Aubert peuvent même proposer des titres de chansons et discuter en ligne avec leur idole. Je vous remercie pour toutes vos demandes. Et puis j'ai pour Rudy Léonet, coordinateur éditorial Pop Culture 360 pour la RTBF, ce type de démarche n'est pas un passage obligé pour les artistes aujourd'hui, mais c'est tout comme. Un passage qui est apprécié parce qu'il est nouveau, très interactif. Il y a une espèce d'intimité comme ça qui peut se créer. On peut essayer de partager une réflexion, une remarque, une question avec la personne dont on est fan. C'est quand même plutôt sympa. The Cure ou Depeche Mode ont filmé leur concert en direct sur Facebook, mais avec plus d'un million de personnes qui regardent le même signal en même temps, on se rapproche de la télé et la démarche perd de son charme. Prenez l'apéro avec moi, hein, c'est quand même le but, quoi. C'est une petite continuation des vacances, hein, même si c'est un peu triste. Voilà, les Insus en concert ce soir donc à Forêt Nationale. Et si vous ne les avez pas vus sur les réseaux sociaux, vous les avez peut-être vus donc aussi au centre de Bruxelles, puisque Bertignac se baladait hier après-midi. Eh ben, du coup, je me demande pourquoi ils n'ont pas gardé le nom initial, pourquoi ils sont devenus les Insus. C'est mieux téléphone. Mais bien sûr, téléphone, c'est téléphone, quoi. Bah oui, téléphone. Je rêve d'un autre monde. C'est le drame du karaoké. Je n'allais pas aller désolé, hein. Désolé, je vous vois en plein travail. Bon, excusez-moi, j'écris ma chronique. Je vous en prie, pendant que vous inventez quelques bons mots, laissez-moi vous dire que Corneille sera notre invité tout à l'heure. Corneille. C'est pas pour un album qu'il vient tout à l'heure, mais c'est pour un bouquin qui raconte sa vie. Là où le soleil disparaît, ça nous replongera dans le génocide du Rwanda et ce moment terrible, puisque les biographies de chanteurs sont souvent mièvres, en général pas très intéressantes, faut le dire. Ici, c'est un vrai parcours biographique où il raconte cette fameuse nuit de 1994 où un militaire est dans la maison. La maman de Corneille vient le chercher dans sa chambre, le ramène dans le salon. Le militaire dit qui est tout si, qui est où tout ici. Et puis en une fraction de seconde, le militaire tire et tue toute la famille de Corneille sous ses yeux. C'est une page d'histoire, la sienne, c'est aussi une page l'histoire de la Belgique, puisque le génocide Rwanda et la mort de nos paras, c'est quelque chose que nous avons en nous. On en parlera donc avec Corneille tout à l'heure, ça s'appelle « Là où le soleil disparaît ». C'est un des meilleurs livres, si vous voulez mon avis personnel, non, mais ces dernières années. Je ressens l'émotion. Je vais devoir faire de l'humour maintenant. Attendez, vous voulez que je fasse un petit blanc pour vous laisser le temps? Je vous remercie, oui. Ok, oui, pour 15 cactus. Ça y est, il est écrit, sinon je comble un peu. Non, il ne l'est pas, okay. Mais c'est pas... Cactus, Jérôme, et la visite de nos souverains qui sont donc au Japon. Mais oui, bonjour, sayonara le mâle, en à la femelle. Première visite d'un couple royal belge au Japon depuis une éternité, où quand le pays du soleil levant reçoit le pays de la drache pleuvant. C'est nous. C'est beau. Plusieurs villes belges sont jumelées avec des villes japonaises, Charleroi et Imeji, Waterloo et Nagakute, et bientôt Tiange et Fukushima, dans un déluge de feu et de sang qui emportera tout sur son passage, air, terre, mer, les continents, les villes, et seront réduites en cendres la Terre et ses satellites. Pakuraban. À peu près tous les deux ans et demi. Philippe et Mathilde sont donc arrivés lundi à Tokyo, à bord du Belgian Air Force. Alors bon, le Belgian Air Force, il est plus... Belgian Air Force, hein, pas un 747, c'est un ULM 47. Hein, donc là, s'il est attaqué dans les airs, tradition oblige et nécessité budgétaire oblige. Pour te défendre, tu jettes des oranges ou des boulets, ami. Hein, faute protocolaire d'entrée, les Japonais attendaient le Premier ministre. Ou à défaut, le ministre des Affaires étrangères, mais c'est bien connu. Un ministre des Affaires étrangères belge doit d'abord essayer de trouver de l'argent pour le budget d'un pays dont les partenaires de sa majorité veulent la fin. Donc, déjà en français, on ne comprend pas, alors allez expliquer ça aux Japonais. Première erreur, les Japonais pensaient inviter les plus hautes instances et autorités. Et tu vois débarquer Philippe. Bonjour, mes amis orientaux. Je voulais d'abord vous dire que j'adore la Chine. Vraiment, j'adore la Chine. C'est loin, c'est beau, mais c'est loin. Ah, bonjour, bonjour, tiens. C'est la première fois que je dis bonjour à un canard laqué empaillé. Votre Excellence, vous bougez, pardon, toutes mes excuses. J'adore vos traditions, vos coutumes. À ce propos, serait-il possible que vous nous prépariez un bon couscous? Et Mathilde, je ne vous dis pas. Hein, déjà qu'elle a du mal à distinguer le diable rouge lors des présentations d'après-match. Alors, 30 ministres japonais habillés pareil, vous pensez bien. Bonjour, clair. Monsieur Kabila. Bonjour, monsieur Mobutu. Bon. Nos souverains flanqués de Geert Bourgeois, qui a beaucoup impressionné les plénipotentiaires nippons. Première fois qu'il rencontrait un type aussi rigide qu'un sabre. Paul Magnette, ravi d'enfin se taper un banquet autre que les sandwichs du conseil communal de Charleroi. Et une paire de Rudy. Vervoort et de Motte, enfin alors, en photographiant l'ensemble, l'empereur s'est quand même demandé si feu Claude Zidi ne renaissait pas de ses cendres pour relancer la franchise des Bidas. L'empereur connaît bien notre pays, il a félicité la nation et les ouvriers wallons, qui sont, paraît-il, tellement habitués de courber sous le poids du travail qu'ils concurrencent les Japonais, parce qu'on se courbe beaucoup là-bas au Japon. On dit même qu'on se courbe presque autant que dans une soirée organisée par David Jean. J'aime autant vous dire... À la quelle Non, je n'ai rien pas dit. Pas l'empereur, quand même. Non, pas l'empereur. Ce qui explique l'absence de notre ministre de la Mobilité, François Belot, qui a vu de ses yeux le mois dernier le ministre de la Mobilité japonaise se courber pendant 20 minutes pour s'excuser d'un retard de train. Alors, si Belot débarque au Japon pour s'excuser des retards liés à la SNCB, il se fait harakiri sur le tarmac dès l'atterrissage. Hein, et retour à la kamikaze départ. Jeu de mots. Oh, joli. Pour couronner le tout, si j'ose dire, Peter de Crème, qui s'était déjà tapé 195 heures de décalage horaire en 3 jours, est arrivé avec des tout petits yeux tout fermés. Donc les Nippons ont cru qu'ils se foutaient de leur gueule. Et puis, Peter de Crème et le roi Philippe, c'est Laurel et Hardy. Hein. Voilà bien deux types qui ont le sens du gag, mais dont on ignore vraiment ce qu'ils foutent de leur journée. Un peu comme nous, hein, Benjamin, vraiment. D'ailleurs, ce soir, chers auditeurs, comme vous ne ferez rien non plus, vous regarderez le Grand Cactus. Dès 20h20 sur la 2, nous recevrons le roi Philippe, Tataillé et Céline Dion. Et ça vaut le coup. Dans un déluge de feu et de sang qui emportera tout sur son passage, n'est-ce pas David? Je vous ai entendu ricaner hier soir. Ah oui, c'était bon. Très bien. Alors le Grand Cactus, c'est sur la 2 tout à l'heure, et le Cactus tout court, c'est à revoir sur la page Facebook du 8-9. Vous avez été très taquin avec le roi, parce que je vous signale qu'il était en première classe. Il n'a pas su... Oui, coucher son siège. Oui. Il a dû aller dormir sur 3 sièges de classe éco. Les gens ont des problèmes. Voilà, vous vous rendez compte, David Leroy, sur 3 sièges de classe éco. C'est ce que je fais d'habitude, moi. Oui, mais vous n'êtes pas roi. Oui, mais c'est pas grave. Mais ouais. C'est pas un trône dans l'avion, il y a plusieurs sièges. Pourquoi il n'a pas pris un autre siège en première classe? Non, parce que comme on n'a pas un Belgian Air Force de grand luxe, la première classe, t'as des sièges plus confort, mais tu peux pas te coucher comme dans une vraie business personne class. Personne lui a cédé la place. Ben si, en éco, il s'est mis sur 3 sièges. Donc il y a sans doute 3 gars qui sont restés debout pendant les 16 heures. Explique à Sarah, 3 sièges éco, c'est mieux qu'un siège de première classe. C'est ce que je dis. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours installé sur les sièges éco. Moi, je allongé. Comprends pas pourquoi en première classe, on lui a pas refilé un autre siège première classe. Il y avait peut-être qu'un siège. Ça dépend de la configuration du truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, moi, j'y étais pas. Il y avait peut-être qu'un siège. Vous n'allez pas nous chier notre matinée. Je me fais engueuler alors qu'on n'était même pas invité au Japon. C'est quand même un comble. Et qu'on ne sait pas comment fonctionne Belgian One. Et en plus, tous les autres en vol de ligne, ils vont en 6 heures. Lui, il a mis 16 heures. Vous oui, avez vu oui, il a mis 16 heures. Oui, mais, 16 heures. Oui, mais c'est-à-dire que, bon, vous connaissez, ce sont les GPS. Hein, ça font, c'est d'abord par Santiago et puis on va au Japon. Ah oui, et puis c'était trompé. Ils ont fait demi-tour et sont repartis. Bref, fin de l'histoire. Il est 8h20. C'est ça le 8-9. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. On va sur la route à 8h20 avec Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, rebonjour. Toujours cet accident à Overes? Oui, normalement, oui. Je ne peux pas vous le jurer parce que je ne suis pas encore tout à fait sur place. Et donc, il y aurait donc toujours un accident qui neutralise une bande avec une demi-heure de perdu, paraît-il, donc en direction de Bruxelles sur la E411. Tout à l'heure, je vous dirai exactement ce qu'il en est quand je serai sur place. Là, pour l'instant, je suis à Wezembeek où on a pas mal de fils pour aller vers Tervuren. Des fils, on en a également assez bien entre Waterloo et Tervuren du côté extérieur du ring. Là, vous allez perdre environ 3 quarts d'heure. Et sur les autres autoroutes que la E411, eh bien, la circulation est normale, on a les fils habituels d'un jeudi matin. Merci beaucoup Serge. Prudence évidemment sur la moto. On rappelle qu'aujourd'hui il devra faire sec. On attend malheureusement le retour des nuages pour cet après-midi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Magasin de Reusbrook, vous trouverez un choix énorme de tapis pleins, vinyle, carpette, rideau, laminé, voilage, store et peinture, et toujours la pose gratuite de vos tapis et vinyles à partir de 9,99€ le mètre carré. Par condition en magasin. Le 8-9 revient tout de suite sur Vivacité et sur la Une. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Hucle et Peugeot Mézère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Hier, c'était de nouveau... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, avec cette météo, je sais plus quoi mettre, moi. Ah, je connais un endroit où il pleut jamais et il fait toujours 22 degrés. Ah bon? Oui, et maintenant, tu as jusqu'à 50% de réduction. Oh, c'est où? Dans un magasin CA. Maintenant, chez CA, jusqu'à 50% de réduction sur une partie de la collection. CA. Chérie? Oui? Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi? Tu trouves que c'est trop? Non, mais... enfin, 12 chaises, mais où est-ce qu'on va mettre ça, enfin? Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. C'est encore moi, Hip! Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour pour découvrir des offres de génie dans tous les rayons. Profitez par exemple du cœur de cabillaud pour seulement bam, 14 euros le kilo. Et cette offre de génie que vous ne trouverez nulle part ailleurs se termine déjà aujourd'hui. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. 8h, 9h, le 8-9. Écoutez, si on peut aider, aidons, nous avons un relooker professionnel, vous relookerez tout à l'heure, le secrétaire d'État qui voyage en ce moment. Chris Peters. Bien sûr. Nous allons assouplir son cheveu qui est un peu dru. C'est bouclette. Parce que les cheveux gris sont un peu dru. Les cheveux gris ou gru ou dru? Non, les cheveux gris sont un peu dru. C'est pas Chris Peters, hein, c'est Peter Decker, oui, à mon avis. Parce que, non mais... On peut relooker les deux, hein, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, il faut, parce qu'il n'a pas des bouclettes, hein, Chris Peters, donc... Bon, alors, non, c'est de crème, on parle de crème. Donc c'est Peter de crème, non, pas. Lui a dit Chris Peters. Attendez, on fait Peter. On va trancher, tout ça est très préparé. Dites-moi. Est-ce que tout à l'heure, on fait Peter de crème ou Chris Peters qui a claqué la porte des négociations? Chris Peters. Alors on fait Chris Peters. Ouais. Okay. Ça l'arrange parce qu'il avait Chris Peters. Oui, okay. J'avais mis ça. De toute façon, Peter de crème est au Japon, donc il n'entendra pas, ça ne servira à rien. Ouais, alors donc on dit Chris Peters. Ok, tout ça est préparé. 3063 SMS, si vous voulez jouer au Kikadi. Inscrivez-vous, je veux jouer. Nom, prénom, coordonnées complètes. Nom, prénom, coordonnées complètes. Vous viendrez raconter votre soirée d'hier tout à l'heure et gagner un cadeau au passage. Et puis à 8h26, le Zap Télé avec télépro.be. Sarah, qui préfère-t-on dans Friends? Friends, une série culte, au générique culte aussi. C'est incroyable comment cette série a marqué toute une génération, voire plus. 10 ans seulement, 10 saisons, et on parle encore d'elle aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Londres, tous les ans, il y a une fête annuelle avec tous les fans de Friends. Ça dure plusieurs heures, on parle que de ça. Et justement, c'est une chaîne anglaise, c'est Comedy Central, qui a fait un sondage sur le net en demandant quel est votre personnage préféré de Friends. On a les filles et les garçons. Il y a 6 personnages chez les filles. On a Jenny, Rachel, Monica... Ouais. Phoebe. Chez les garçons, on a Chandler, Joey et Ross. Le garçon préféré, selon vous? C'est celui qui était un peu béné, c'est lequel? Maladroit, c'est malheureux, ouais, Ross, exactement. Il est en tête, et puis c'est Chandler, et puis Joey. C'est bizarre parce que Joey, il a eu sa série. Joey, c'était lui le Benet. Le Benet, c'était Joey. Le Benet, c'était Joey. Enfin, ils étaient parce que Ross, il était quand même bien maladroit, oui, oui, malchanceux, oui. etc. Ou alors c'était Peter de Crème. C'est Ross. Je ne sais plus qui jouait. Chez les filles, on a beaucoup parlé de Rachel, Jennifer Aniston, etc. Non, non, c'est Phoebe. Excentrique. Folle. Complètement déjantée. C'est elle qui est la fille préférée. C'est Monica, la moins préférée de tous. Bon, replongez-vous dans les archives. Monica, c'est celle avec ses yeux bleus, hein, c'est ça. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, BK, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. En octobre, Expert Literie vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. Chez O'Green, c'est samedi et dimanche, c'est la fête des fruits. Vous pourrez goûter des fruits, des jus, des confitures artisanales. Nos experts vous donneront des conseils plantation. Pour un arbre fruitier acheté, on vous offre un framboisier. Et il y a plein de chèques cadeaux à gagner. Jardinerie O'Green, National 4 à Louvain-la-Neuve. O-green.eu. Stressless invente le confort d'avoir le choix. Jusqu'au 6 novembre, Stressless vous offre moins 20% au choix sur la collection de fauteuils dans tous les coloris de cuir et le choix de nouvelles options de confort. Plus d'informations chez votre revendeur ou sur stressless.be. Avant, je me trouvais dans une voiture téléguidée. Vroom. Et moi dans une lampe de poche bleue. Mais maintenant, on traîne à la cave. Oh là là. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Ce message s'adresse à vous, qui venez de rembourser votre maison, ou dont les enfants sont grands et indépendants. Oui, vous, qui vous demandez comment faire fructifier cet argent, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Chez CBC, nos conseillers sont vraiment à votre écoute. Ils prennent le temps de vous expliquer les choses simplement, quoi qu'il arrive. Investir ? Parlons-en. Passez-nous voir ou rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Tiens, hier, Mme Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, hein, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Coloroid Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'est magique. Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce jeudi. Charles Michel attendu à la Chambre cet après-midi. Ce ne sera pas encore la déclaration de politique générale attendue mardi et reportée. Mais le Premier ministre viendra déjà expliquer où en est le budget fédéral. Budget qui doit être bouclé samedi au plus tard pour répondre aux exigences de l'Europe. Encore trop de morts dans les incendies. 57 depuis le début de l'année en Belgique. Trop de personnes oublient encore de placer des détecteurs de fumée dans leur maison. David Goffin avait perdu ses 2 premiers affrontements contre Gaël Monfils. Il a une chance de se rattraper et de remporter le 3e aujourd'hui au tournoi de Shanghai. Goffin dispute les 8e de finale ce matin. Ah Christophe, ce sera une journée assez lumineuse, mais attention, ne vous habituez pas. C'est bien, il commande tout. Parce qu'après, le ciel va se couvrir. Ah, oh. C'est moins gai. Rafale de vent à 50 km/h. Oh. Et 13 degrés de maxima. C'est pas chaud. Il est 8h30. Et on s'informe en région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour à toutes et tous. Cela sent déjà un peu la Toussaint, comme disent certains. Du temps gris, l'humidité, les feuilles qui tombent. Mais la période ne rend pas vraiment poète du côté de la Stib. Non, c'est plutôt là-bas la prévention qui joue. Ces feuilles mortes sont en effet un danger de glisse sur les rails des trams notamment, mais aussi pour les piétons, les vélos et les voitures. La Stib lance donc une campagne pour inciter tout le monde à la plus grande prudence. Amal Kamachi et sa responsable sécurité. La période de chute de feuille est une période dangereuse justement car le rail ne rend plus cette adhérence au niveau du tram et donc la distance de freinage augmente. Et également, cela fait également suite de tout un système que nous effectuons à cette période de l'année de sensibilisation également en interne chez nous de nos conducteurs pour qu'ils fassent attention à effectuer une conduite défensive et à pouvoir anticiper tout obstacle. Oui, on constate beaucoup de comportements à risque des piétons, des cyclistes, des voitures aussi. Donc oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des piétons, très souvent, ceux-ci peuvent être distraits, notamment le matin, lorsqu'ils souhaitent attraper leur véhicule, leur transport en commun pour aller travailler. Donc certains sont également aux oreillettes, portent des oreillettes, sont au GSM, et donc cela peut diminuer leur attention sur l'arrivée d'un tram. Et comme on sait, la distance de freinage d'un tram est plus importante que celle d'une voiture. La responsable sécurité de la STIB, interrogée par Pierre Van Den Bulk. Les conséquences de la restructuration chez ING commencent à être concrètes et Bruxelles sera donc bel et bien pas mal impactée. Notamment 40 à 50 emplois devraient disparaître du côté de la salle des marchés. La partie commerciale devrait être transférée vers Londres et la partie IT, nouvelle technologie donc, vers Singapour. Des jobs qui sont actuellement hébergés à Bruxelles au siège central d'ING situé avenue Marnix à deux pas du Palais Royal. 8h32, vous risquez de croiser de plus en plus d'étudiants à vélo dans les rues de Bruxelles. Un nouveau système est lancé pour les inciter à opter pour les deux roues. Un système de location de vélos d'occasion à l'année, 70€, entretien compris, des prix planchers et un vrai concept donc que nous présente Véronique Fievet. Sur le campus de l'ULB, le parking à vélo est presque rempli malgré le petit crachin qui tombe. Ikiem vient de déposer son vélo comme tous les matins. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, ouais. La plupart de mes amis viennent à vélo aussi ici à l'ULB. Parce que ça va plus vite, c'est moins cher. Une fois qu'on a son vélo, on ne doit plus dépenser, quoi. Jonathan Vigne supervise les initiatives étudiantes en matière d'environnement. Il constate le même engouement. On ne sait pas vraiment combien viennent, mais on voit qu'il y a quand même une augmentation dans les parkings à vélo qui sont de plus en plus remplis. On a beaucoup plus de demandes de parkings à vélo sur les autres campus aussi. Mais beaucoup d'étudiants n'ont pas de vélo à Bruxelles, d'où l'initiative lancée par BRIC. Cette association d'étudiants propose désormais de louer des vélos d'occasion. 70€ pour un vélo pendant un an. La formule a séduit Yanis, étudiant de dernière année. C'est juste pour une année, donc pour HTC, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que j'ai choisi de louer un vélo. Les Brick Bikes visent aussi les étudiants Erasmus qui ne passeront que quelques mois à Bruxelles et plus largement tous ceux qui préfèrent tester le vélo en ville avant d'acheter leur propre deux roues. Beaucoup de questions à Molenbeek après un accident de la circulation. Hier, un enfant de 3 ans a été fauché par une voiture. Il traversait avec sa mère et ses deux frères et sœurs du côté de la place de la Duchesse. Son état de santé est jugé grave. L'endroit, lui, est considéré comme dangereux par plusieurs élus, notamment de la commune. Des élus qui demandent donc des aménagements d'urgence à la région qui est compétente en la matière. Et tout cela pour éviter évidemment que de tels accidents se reproduisent à l'avenir. La direction, le quartier européen où il y aura pas mal d'animations toute la journée à deux pas de la gare de Bruxelles-Luxembourg. Le centre de visiteurs du Parlement européen souffle aujourd'hui ses 5 bougies. Il permet aux Bruxellois et aux touristes de découvrir l'histoire de l'Union européenne et le fonctionnement de ses institutions. Tout cela dans 24 langues. Céline Biourgel a choisi le français pour nous faire découvrir cet univers. Reportage. Le Parlamentarium est un vaste bâtiment moderne situé presque en face de la gare de Bruxelles-Luxembourg. Bienvenue au Parlement européen. Après un contrôle minutieux, on pénètre dans une sorte de couloir-tunnel pour rejoindre la première salle d'exposition. Bonjour, bienvenue au Parlamentarium, le centre visiteur du Parlement européen à Bruxelles. Notre guide est Lieven Kozijn, il est attaché de presse au Parlamentarium. Il nous explique ce qu'on va découvrir. Comment ça se fait la démocratie européenne, comment le Parlement européen et ses députés travaillent, comment une loi européenne est faite. Et tout ça, on découvre ici, au centre de visiteurs. Ici, pas d'objets, ou presque, mais du multimédia omniprésent. Les pièces sont vastes et se succèdent. L'audioguide nous permet d'interroger la plupart des images qui défilent. Parmi les pièces les plus impressionnantes, celles qui donnent l'impression d'être au Parlement européen. Nous avons voulu construire une salle qui est comme l'hémicycle du Parlement européen. Et ici, nous sommes dans une salle où on peut connaître le travail du député au Parlement européen. Pour fêter ces 5 années d'existence, des activités spéciales et des surprises sont prévues au Parlamentarium ce jeudi, dès 16h et jusqu'à 22h. Et puis un mot de basket pour vous dire que le Brussels s'est logiquement incliné à Ostende hier en D1. Pas de troisième succès consécutif donc pour les hommes de Serge Krefker. Une défaite honorable, hein, 89-72 chez le champion en titre, Ostendais. Le prochain match pour les Bruxellois, c'est déjà demain soir. Ils recevront Monceno. Et enfin un mot de l'invité de BX1, hein, c'est Catherine Fonck, la chef de groupe CDH à la Chambre, qui répondra à Jean-Jacques Deleu en télé vers 12h45 pour parler évidemment de la crise politique qui se prolonge au fédéral avant le budget. 8h36. À 9h, c'est vous qui lisez, trois débats sur la table. Avoir un job ne suffit pas. 40% des travailleurs n'arrivent pas à boucler leur budget à la fin du mois. Vous bossez, mais à la fin du mois, vous êtes trop court de combien ? Trop court de combien ? Dites-le. Puis la confirmation, Janet Jackson, 50 ans, est bel et bien enceinte de son premier enfant. Chacun son choix, bien sûr, mais 50 ans. C'est raisonnable ? Vous pourriez avoir un bébé ? Et puis le ministre de la Mobilité met la pression sur les syndicats de la SNCB. Choisissez le type de service minimum ou je vous l'impose. Les syndicats doivent-ils trancher ou ils ont raison de laisser traîner les choses ? Zoé Boss, standard ouvert. Un job, nous en avons un, et c'est de décrocher le 0-70-233-466 et de lire vos SMS au 30-63-50 cents par message. Vous voulez communiquer avec nous, mais vous n'avez plus de forfait, pas de souci. Vous envoyez un petit commentaire sur la page Facebook de notre émission. On va sur la route à 8h37 avec Serge, notre motard Europe Assistance. Alors Serge, vous êtes à Overest, toujours cet accident ? Oui, je viens de passer Overest. Il y a toujours un accident en direction de Bruxelles entre un camion et une voiture. Il y a deux bandes neutralisées, la bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence qui à cet endroit-là est une bande bus. Mais bon, donc deux bandes neutralisées. Mais assez bizarrement, il n'y a absolument aucune file, aucune répercussion due à cet accident. Les files commencent un tout petit peu plus loin, comme tous les matins entre Overest et Jésusec. Je suis précisément dans ces files pour l'instant. Donc circulation bien dense sur les autres autoroutes également. Et d'accord, sur le Ring, une circulation bien, bien dense entre Waterloo et les Quatre Bras. Merci Serge. Prudence sur la route. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Citroën, bonjour. Oui, j'ai besoin tout de suite d'une camionnette fiable et modulable. Ah, pas de problème. Parce que j'ai un client qui attend et la mienne m'a lâché. Ah oui, oui. Oui, je suis menuisier. Si vous m'en trouvez une disponible, je vous offre 20 mètres carrés de parquet. Monsieur. Et je viens le poser gratuitement, hein. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be. Une initiative de la coopération belge au développement. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Inferno. L'humanité est le mal et Inferno le remède. La suite tant attendue de Da Vinci Code est d'ange et démon. Pour y assister le 18 octobre à Bruxelles ou à Liège, 0905 56 474 57 par appel. Regardez, c'est un indice. Avec un relooker professionnel. Donc tout à l'heure, on a fait notre brainstorm en direct pour décider qui. Maintenant, on est calé. Donc qui on relook tout à l'heure ? Chris Peters. Oui, c'est lui. Voilà. Julien Doré, si on a un peu le temps. Ouais. Et René je ne sais jamais le dire. Zellweger. Voilà, Zellweger. Bridget Jones. Avec cette polémique autour de son poids, Sarah, on en parlait. Elle a grossi, pas grossi. Elle est mieux qu'avant, pas moins. Surtout au niveau du visage. Hein, Cathy n'aimait pas son visage, ses expressions dans le film. Ouais. Ah, vous sous-entendez qu'elle a été refaite ? Non, c'est Cathy qui a dit. Oui, mais c'est pas moi, c'est elle. C'est normal. Vous voyez, comme les femmes balancent. Hein, oui, même c'est normal qu'on a dû retendre un petit peu. Voilà, et Jérôme nous rejoindra tout à l'heure pour la question d'intérêt général. Notre invité ce matin raconte sa vie dans un livre. Je le redis parce que je le pense. Souvent, les biographies de chanteurs sont un peu mièvres parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voici une page d'histoire. Corneille vient d'écrire « Là où le soleil disparaît ». C'est à la fois son histoire, l'histoire du Rwanda, le génocide rwandais. Donc, c'est un peu l'histoire de la Belgique aussi. Corneille est là ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous racontez dans le livre ces moments terribles où toute votre famille va mourir pratiquement sous vos yeux. On fait le début de l'histoire. Est-ce que vous êtes issu d'un mélange? Maman Hutu, papa Tutsi. Ouais. C'est un vrai mixte, on appelle ça un zineke en Belgique quand on est un peu ouais, ouais. Comme ça. Un vrai mix, et ce qu'il faut savoir, que c'est que j'ai, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, pour moi, mon papa était Hutu. Parce qu'il a, puisqu'il avait changé dans sa carte d'identité, ouais, dans les années 70, il avait changé dans sa carte d'identité le groupe ethnique auquel il appartenait. Donc, D'ailleurs, parenthèse, vous en voulez un peu à la Belgique, parce qu'on parle quand même de nous dans ce bouquin. Vous nous en voulez parce que ce sont les Belges qui, en arrivant au Rwanda, font la distinction très forte entre les Hutus et les Tutsis et qui demandent qu'on inscrive ça sur les papiers. Je vous en veux pas, vous, personnellement. Hein, vous êtes pour rien. et même pas à nous de maintenant. Vous en voulez à la Belgique coloniale de l'époque. J'ai senti, ouais, un peu de rancœur quand même là-dessus. Oui, parce que, et je pense que tous les Rwandais ont ce sentiment, c'est-à-dire que on a, je me demande si on n'est pas le seul peuple en Afrique où administrativement, il est clairement indiqué dans nos cartes d'identité à quel groupe ethnique nous appartenons, et surtout sur des critères assez des critères, ouais, physiques, oui, le Tutsi était considéré comme le nègre un petit peu supérieur, le Hutu celui qui lui était un peu qui était plus Même votre père, il est pas tendre, pas tellement avec les Hutus, les Tutsis, mais votre il papa... est pas tendre avec les Rwandais de manière générale. Ah ouais, votre père traitait les Rwandais de Abatandi, qui veut dire en gros vous êtes des mesquins. Abatandi, des... ouais. Il était raciste des Rwandais. Votre père qui était Rwandais était raciste des Rwandais. Ouais, mon père, il était pas raciste. Il était pas raciste. Il était simplement. Il avait un grand complexe identitaire. Il avait fait ses études en Allemagne. C'est quelqu'un qui, je pense, c'est un complexe de colonisé quelque part. C'est quelqu'un qui a fait ses études en Occident et qui rêvait que le Rwanda s'élève au niveau économique, politique. Du pays qu'il avait accueilli, dans lequel il avait fait ses études. Mon père a méprisé et aimé inconditionnellement son pays, ça prouve ce mélange. Alors, exact. Votre papa, à un moment, parce que c'est aussi l'histoire de votre père, auquel vous parlez souvent dans le livre, il y a des moments de dialogue et d'échange avec votre père, et donc votre père devient à un moment directeur général au ministère des Travaux Publics, ce qui est un vrai événement là-bas, et puis après, il y a ce moment où il est viré, où il démissionne. Vous n'avez jamais compris ce qui s'était passé. Pourquoi tout d'un coup... Avec du recul, je pense qu'il a été viré parce que et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui n'ont su que le Rwanda existait qu'après le génocide, malheureusement. C'est que moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, le vrai problème, la vraie division au Rwanda n'existait pas entre Hutu et Tutsi. Pour moi, il existait entre le nord et le sud. C'était un problème régional avant d'être un problème ethnique. Mes parents venaient du sud. Le nord incarnait le pouvoir militaire dictatorial en place, et le sud incarnait l'esprit, les intellectuels, disait-on, venaient à peu près tous du sud et présentaient un certain danger au pouvoir en place, évidemment. On sent bien qu'il y a une chasse aux sorcières à un moment. De cela. Ouais, parce que votre papa va passer par la prison, ouais. Il est complètement transformé. Et puis, parce qu'il faut en parler, on arrive à cette nuit terrible du 15 avril 1994, quand un soldat arrive dans votre maison, votre mère vient vous chercher, vous descendez dans le salon, le militaire demande s'il y a des cafards, il entend quoi par cafard? À ce moment-là, il cherche les Tutsis, le militaire. Tutsis, c'est ainsi qu'on les appelait pendant le génocide. Et c'est là que vous perdez votre famille. Et puis après, je ne comprends pas bien le moment, parce que vous perdez votre famille, et puis il n'y a plus personne. Et vous êtes là, vous allez de quartier en quartier, de gens en gens, vous êtes complètement à l'abandon, dans le fond. Oui, je suis à l'abandon. Et c'est très complexe. Vous avez quel âge à l'époque ? 17 ans. J'ai 17 ans. C'est pour ça qu'il faut lire le livre pour comprendre la complexité de ce génocide, ce qui s'est passé. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. je suis resté à Kigali pendant les trois mois qu'a duré le génocide. Et on n'a pas le temps pour que j'explique tout ce que j'ai vu. Ah non, il faut se plonger, parce que quand on lit ce bouquin et qu'on s'intéresse un peu à l'histoire, on ne peut pas le lire sans penser à nos 10 paras du Rwanda, ouais, on ne peut pas le lire sans penser à la colonisation de la Belgique, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à la Belgique coloniale avec le Zaïre, un peu moins par rapport au Rwanda, et donc il y a une part d'histoire de Belgique là-dedans. Corneille, ça s'appelle « Là où le soleil disparaît ». Oui, une grande part de Belgique, puis j'ai l'éducation belge en moi aussi, parce que je suis allé à l'Athénée. Oui, qui était le must du must, hein, le... Oh oui, là, c'était l'école des gens qui étaient arrivés, ouais. Bon, on ne parle pas de musique, évidemment, ce matin, même si on vous connaît pour la musique. Corneille, vous sortez un album après ça, après le livre, Confidence et... Non, j'ai passé tellement de temps... Non, pas tout de suite, j'ai passé tellement de temps sur ce livre, et surtout, il m'a donné envie d'en écrire d'autres. Là, à court terme, je continue ma tournée Forever Gentleman avec mes acolytes Garou et Roquazine au Canada. Ouais. On est à plusieurs, on a une grande tournée devant nous, mais autrement, j'ai rien de prévu. Et dans le fond, vous vous sentez rwandais ou pas? Parce que votre histoire, elle démarre en Allemagne. Quand vous arrivez au Rwanda, c'est un choc parce que c'est pas du tout votre pays. Aujourd'hui, vous vous sentez quoi du coup? Ah, c'est une bonne question. Je me sens tout et rien du tout en même temps. Comme papa. Ouais, à la seule différence. Papa se sentait rwandais quand même. Ouais, papa se sentait très rwandais. Alors, il aurait aimé être allemand. Alors, il avait aucune chance. Il était condamné à être rwandais. Mais moi, je suis tout ça. Le Rwanda est en moi autant que tous les autres peuples qui. N'est pas dégoûté qui ont bien voulu m'accueillir. Moi, dégoûté, ouais, non, plus passé. Maintenant. Non, plus maintenant, je l'ai été, par contre. Ouais, je l'ai été. Okay. J'ai eu une période où j'ai renié mon pays. Ah, il faut le dire, il y a un peu de colère aussi, quand même, dans le bouquin. Plongez-vous dans ce bouquin, c'est un des livres du moment. Merci d'être passé ce matin, Corneille. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci. Dans un instant, c'est votre histoire que vous racontez, alors, dans le Kikadi au 3063 avec « Je veux jouer ». Le message doit démarrer comme ça. Maintenant, chez Easy Par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums après rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur easyparxl.be. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer! Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Testez-le vite, Yves Rocher. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Vous entendez? C'est toujours la fête pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 3 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme la choucroute crue ou cuite au vin à moins 50%, soit seulement 12 cents les 100 grammes. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Le 8-9. Ezoprel. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous avez fait quoi hier soir? Pas grand-chose. Je travaille assez tard, donc je n'ai pas fait grand-chose. Ça cache quelque chose, on ne me la fait pas. C'était un club? Vous étiez dans un club? Dans un donjon? Non, du tout. Il dit donjon parce qu'il y a un article dans la dernière heure ce matin sur un propriétaire de donjon, Sadomaso, qui est devant la justice. Mais non, il a regardé la télé, c'est tout, hein, Olivier? Tout à fait. Voilà. Je le dis à la famille d'Olivier Desoprel, il n'était pas dans ce donjon. Laissez-le tranquille. Alors, Kikadi, vous choisirez l'aide de David ou de Sarah? Voici le Kikadi de ce matin. Aujourd'hui, on ne donne la parole qu'aux gens qui vont aller dans la provocation et la caricature. Aujourd'hui, on ne donne la parole qu'aux gens qui vont aller dans la provocation et la caricature. Qui a dit ça pour s'en plaindre, hein? Kim Kardashian, Joe Star ou Omar Sy? Olivier, voulez-vous l'aide de David ou de Sarah? On va pas être de bonnet. Ah, Sarah. Oh, y a Olivier. Je disais pas moi. Petite Sarah, c'est à vous. C'est pas simple. Moi, je pense pas que ce soit Joey Starr parce qu'il est dans la caricature. Donc, il va pas dire. Et la provocation. Kim Kardashian, j'ai l'impression que la phrase est un peu trop complexe. Oui. On peut avoir traduit. Omar Sy. Moi, je dirais Omar Sy, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il est dans l'actualité, je ne sais pas. Mais je dirais lui. Olivier, vous êtes libre de dire quelqu'un d'autre ou de suivre. Vous me dites. Non, je vais suivre Sarah, je vais dire Omar Sy aussi. Ouais, c'est une bonne. Ouf. Bravo. Moi aussi, j'aurais dit ça. Cette femme a un feeling, comme un sixième sens. Il a dit ça sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, en pleine promotion de son nouveau film Inferno. Voilà où il a dit. Le cadeau pour vous, le Vourire Festival vous attend pour le spectacle de Valérie Lemercier, le vendredi 21 octobre, Olivier. Très bien. Un grand merci. Deux places, vous pourrez être accompagné, bien sûr, c'est au Forum de Liège. Valérie Lemercier, elle est rare sur scène, en plus. Quel est le mot que vous imposez pour le live de demain? Jackpot. Ah, ça c'est vous? Oui. C'est vous qui avez gagné le loto. Vous l'avez eu? Non, pas du tout. Oh, c'est dommage. Si, c'est là que vous étiez hier soir, vous étiez à la Loterie Nationale. Voilà, mais bon, j'étais pas le gagnant. Oh, zut. C'est dommage, parce que j'avais votre numéro, je l'aurais gardé. Ah oui. Olivier, le jackpot est dans la liste pour demain. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Salut, dans Olivier. Un instant, on relook Bridget Jones, qui aurait grossi, pas grossi, qui aurait eu du lifting, pas lifting, on verra. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée, Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels, Zaventem et Waterloo. Demain, j'arrête de fumer. Et puis aussi de manger n'importe quoi. J'ai rencontré de graves difficultés. Maintenant, je dois me reconstruire. Pour trouver la solution à vos problèmes, faites appel à l'hypnose thérapeutique. Et pour trouver le praticien qui vous convient, hypnosia.be. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Vivez vos vacances en toute liberté. Mobicar, salon international de la caravane et du motorhome. Plus de 600 modèles et toutes les nouveautés 2017. Mobicar, du 20 au 25 octobre à Brussels Expo. Plus d'infos sur mobicar.be. Jusqu'à 9h. 8-9. Bon, on se dit tout. Allons. Jérôme, petit coup de moulier à l'hiver, nous a quittés, sera là évidemment demain. Mais, question d'intérêt général. Ah, vous avez le papier. J'ai le papier, j'ai la feuille que j'étais cherchée dans son casier. Alors, question d'intérêt général d'hier. Comment renommeriez-vous le Galaxy Note 7 de Samsung qui était retiré de la vente? Alors, il avait épinglé Jean-Marie Langlais qui dit comment l'appelleriez-vous? L'unique, car c'est le seul appareil où quand tu décroches, tu t'écris « au feu » au lieu de « à l'eau ». Bien, c'est bien. Bien, ouais, ouais. Bien. Pierre-Jacques, il est cher, il est mobile, il explose, c'est le Tchermobile. Oh, alors, c'est bien aussi, ouais, bravo les garçons. C'est pas mal. Alors, Jérôme nous a laissé une quig pour aujourd'hui, vous irez répondre sur la page Facebook du 8-9. Sarah, je vous laisse le privilège. Oui. Mais lui ne cafouille jamais, alors que moi... Attention, alors. Prenez un air digne, hein, prenez un air digne. Harrison Ford s'est blessé sur le tournage du dernier Star Wars. La production écopant d'une amende salée. Comment renommeriez-vous cet épisode? Très bien, refaites-la encore une fois. Ford, vous devez meubler ou quoi? Harrison Ford s'est blessé sur le tournage du dernier Star Wars. La production écopant d'une amende salée. Comment renommeriez-vous cet épisode? À vous de réagir sur la page Facebook du 8-9. Ah ben voilà. Et si vous êtes sur vivacité.be, n'oubliez pas la revue de presse, toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin, notamment ce donjon sadomaso installé à Liège qui intéressait très fort Christophe Grandjean. Mais oui, j'ai vu ça. Je le dis. 8h55, le relook donc. Début de semaine, crise. Chris Peters est en pleine réunion pour le budget. À 19h, il dit à ses collègues du gouvernement « Je reviens ». Et 6 heures plus tard, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu, il les a plantés là. Et donc, je voulais simplement dire que pour Chris Peters, il a 52 ans. Et donc, c'est un bel homme, donc toujours bien élégant, le visage carré. Mais attention à ses lunettes, parce que les lunettes sont rectangulaires et elles sont beaucoup trop petites pour le visage. Donc attention, quand vous utilisez, donc quand vous essayez une paire de lunettes, il faut que les branches soient toujours vraiment bien en parallèle par rapport au visage et surtout pas inclinées vers l'intérieur. Lui, ça s'incline vers l'intérieur. Vous voudriez des grandes lunettes avec des verres fumés? Non, ouais, non, pas nécessairement. Fumé. C'est simplement une question d'équilibre au niveau du visage. Il faut que ça tombe sur la pommette, bien sur l'oreille, et que ça ne va pas vers l'intérieur, comme si on avait une perspective, comme un petit peu comme une souris, comme ça. Donc ça lui agrandit le visage. Il faut donc une lunette un petit peu plus grande et plus calibrée sur la branche. Je pense que c'est un bel homme, Sarah. C'est un bel homme, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais, oui, bel homme. C'est vrai, cette chevelure grisonnante fait beaucoup. Et cette chevelure grisonnante, ouais. Donc je parle aussi pour les filles comme pour les garçons, justement, qui ont les cheveux grisonnants. Donc n'hésitez pas, le cheveu donc est plus poreux, il est un peu plus dru, donc il faut le soigner un petit peu plus. Donc on doit lui apporter donc un masque, on doit lui apporter donc des petites huiles. On met justement de la mayonnaise aussi dans les cheveux. On peut lui mettre de la mayonnaise, donc aux œufs, oui. C'est important. Ah, Sarah a donc, appris. Donc la mayonnaise de relooking, on oui, mais aux œufs, ouais. Donc ça c'est pour nourrir en protéines. Et si on l'utilise donc quoi, à la base de citron, eh bien ça referme les écailles. Donc ça permet d'avoir un cheveu beaucoup plus lisse. Et tout ça sur la tête alors. Et tout ça sur la tête. Et puis après on fait son shampoing, son après shampoing. Mais surtout on vide la première eau donc dans les WC parce que ça bouche les canalisations. Je tiens à signaler parce que j'ai eu la blague. Vous avez bien raison. Ou alors vous allez avec la casserole à l'égout de la rue. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Déverser à l'égout de la rue, voilà. Chris Peters rhabillé donc pour l'hiver. Ah, il y a un gros dossier qu'on a entamé hier dans les sorties cinéma avec Cathy Melon. C'est le dossier Renée Zellweger, qui est donc à l'affiche du nouveau Bridget Jones. Elle est enceinte, elle ne sait pas de qui est le bébé. Et alors, il y a une polémique Melon sur le visage. Bon, alors, et elle a fait, donc, elle a 47 ans, c'est une belle femme, on la connaît donc bien ronde, parce qu'elle a toujours été bien dodue. Mais dodue dans le sens comme un poupon, donc c'est pas dans... On peut dire d'une pas... femme qu'elle est dodue. Oui. Oui, bien sûr, ben bien sûr. Bien en chair, je dirais. Oui, ben en chair, ou alors ce côté poupon, vous savez, les petits bras, là, tout bien potelés. Oui, comme donc, les singes, mon chichi, vous voyez. Voilà. Chichi, ouais. Et donc, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle a vraiment tout son côté sympathique, mais malheureusement, par rapport justement à sa taille maintenant actuelle, donc ses jambes sont magnifiques, son corps est magnifique, mais attention, on a un petit relâchement au niveau des yeux, parce qu'elle avait déjà les yeux avec la paupière un petit peu tombante. Donc, pour les filles et pour les garçons, parce que je peux le faire aussi pour les garçons qui ont la paupière un petit peu tombante, n'hésitez pas de prendre une poudre, un fard à paupières donc mat, et justement de le mettre directement sur la paupière tombante. Vous allez voir, ça va donner une illusion, donc justement que l'œil sera plus remonté. Et pour notre amie, donc on lui a fait 2-3 petites chirurgies, je vais dire au niveau des pommettes. Ah, vous dites qu'il y a eu chirurgie. Un petit peu, parce que on est quand même passé, quand on passe du large, je dis au XS, eh bien systématiquement, on a un affaissement au niveau du visage. Donc, je tiens à dire aussi, faites attention, Sarah, pour les filles qui ont mis des anneaux, qui ont fait des réductions d'estomac, parce qu'on est dans le même genre, eh bien, n'hésitez pas de prendre un glaçon, vous enlevez, vous le frottez sur votre main pour enlever le côté aimanté, et vous le passez directement donc, sur le visage, et comme ça, ça va être votre salle de gym pour le visage. Et dans le fond, Zara, vous la préférez dodue ou pas dodue? Oh, je l'aime bien tout court, c'est une bonne actrice. Oh, mais dodue, oui, pourquoi pas, ça lui allait bien aussi. Ben très oui. Élégante. Bridget, elle est dodue. Mais oui, Bridget, non, on la connaît. Femme qui est dodue. Mais si... Ouais, je pense quand même que cette garde-robe va être trop grande. Mmh. C'est quoi déjà les dimensions de ta chambre? Bah attends, Vanessa me les a envoyées par SMS. Alors, largeur 8 pieds et demi, hauteur 5 pieds. Ah oui, et ça fait combien en centimètres ça? Bah je sais pas, c'est ses pieds quoi. Ah c'est vraiment ses pieds? Ah oui, ok. On la prend quand même? Oui, on va prendre quand même, oui. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Hé, hey, Bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Denis, vous qui êtes un homme à femme, bon, on le sait, est-ce qu'on dit d'une femme qu'elle est dodue? Ah, moi je dirais plutôt, on dirait gironde... bien portante, reflétant une joie de vivre, un épicurisme... Ça, c'est encore pire. Tu reflètes une joie de vivre. Bon, il n'y a pas de gentleman à cette table, donc mettez... Voilà. Allez, bon, prends ça dans la figure. Et ben quand même du soleil ce matin, c'est la moindre des choses. Sur une bonne moitié nord du pays, plus au sud, bien, il y a un petit peu plus de nuages, mais ça restera un temps sec. Malheureusement, aujourd'hui, il faut tenir compte du petit vent piquant de secteur est qui sera toujours bien présent. Des petites rafales de 40 à 50 km à l'heure. On attend 8 à 13 degrés pour les maxima. On aura un petit peu de pluie la nuit prochaine et demain matin, mais très peu. Et puis demain et les jours suivants, les températures vont partir à la hausse. Viva 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On a frôlé la catastrophe la semaine dernière à l'aéroport de Bruxelles. Deux avions ont failli se rentrer dedans.